Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, École marseillaise, attention travaux, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois. Dans un article du journal Libération, notre partenaire aujourd'hui pour cette fiction et concernant les problèmes que rencontrent les écoles marseillaises, Laurent Geoffrin écrivait « La deuxième ville de France n'est pas un monde à part, mais porte en elle, peut-être plus qu'ailleurs, toutes les vicissitudes et les promesses du monde d'aujourd'hui. La ville connaît des difficultés sociales majeures et pâtit d'une mauvaise réputation de laisser-aller, de dilettantisme politique qui se traduirait sur des dossiers aussi importants que l'école, les transports et le logement. » Le 5 novembre 2018, en effet, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille provoque la mort de 8 personnes et témoigne de l'insalubrité de nombreuses constructions, dont des écoles publiques. Notre fiction aujourd'hui, dont nous diffusons le premier épisode, porte justement sur l'état de ces écoles, du danger et des risques que les enfants et professeurs prennent en venant tous les jours étudier, enseigner. Un scandale, un danger que personne ne semble prendre au sérieux. Il y a un an, la scénariste Marie-Annick Bello est partie enquêter à Marseille. Elle a travaillé avec l'association Lamarelle, où elle était en résidence, et avec qui nous avons conçu ce projet. Marie-Annick a enquêté, recherché des témoignages, rencontré des témoins, assisté à l'émergence d'un collectif citoyen mobilisé pour lutter et construit ainsi son scénario à partir du réel, de ce réel. Cela fait en effet plusieurs années que des parents, des instituteurs, des associations protestent auprès de la municipalité contre l'état d'insalubrité des écoles. Un collectif du 3e arrondissement de Marseille dénonce, je cite, « les cours de récréation et classes inondées en cas de pluie, avec écroulement de faux plafonds, des salles inaccessibles car les portes ne s'ouvrent plus, des rats, des cafards et pigeons morts dans les plafonds, des sorties de secours dangereuses, des chauffages en panne, pas de toilettes propres, etc. » J'en passe, et des moins bonnes. Les parents, alors, disent la peur qu'ils ont de laisser leurs enfants le matin à l'école. Le premier épisode débute avec Béatrice, directrice de l'école des Flamands, inquiète pour ses élèves, car sous l'effet du Mistral, le préau de la cour de récréation bouge dangereusement. Elle essaie de contacter l'entreprise qui l'a construit. Après la fiction et pour comprendre comment, dans la deuxième ville de France, de tels problèmes surgissent et durent depuis de nombreuses années, nous recevrons la journaliste Stéphanie Arougnan, qui vit et travaille à Marseille pour le journal Libération. Elle a suivi et signé de nombreux articles sur les écoles de l'abri de la ville. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. École marseillaise, attention travaux, épisode 1. Une fiction écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois. Vendredi 7 septembre, 8h20. Entreprise Drouin et Fille, Nathalie. Entreprise Drouin et Fille, bonjour. Madame Drouin ? Oui, c'est bien moi. Comment ça, les tournesols vibrent ? Eh bien, ils tremblent sur leur socle. Ils font un drôle de bruit. Un drôle de bruit, comment ? Une sorte de sifflement. Et des grincements métalliques. Mais vous voulez dire que le Mistral les fait bouger ? Des tournesols de 305 kilos ? On est très inquiète avec les petits. Vendredi 7 septembre, 8h25, rue Masséna. André. Allô Sylvia ? Je te dérange pas ? Non, non, pas du tout. Tu tombes bien, je viens juste de déposer Baptiste à l'école. Tu veux qu'on se voit ? Non, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai une demi-heure avant d'aller au boulot, je peux m'arranger pour venir si tu me veux. Tu veux qu'on se voit ? Oh, allez, arrête un peu, je veux pas qu'on se voit, tu le sais. C'est horrible quand on se voit, après on est malheureux tous les deux, je veux plus être malheureuse. Je veux pas que tu sois malheureux non plus. Non mais si je suis malheureux ou pas avec toi, c'est à moi d'en juger. Tu m'as tellement manqué. Tu manques tellement ma chérie, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Il y a qu'à toi que je peux demander ça. Vendredi 7 septembre, 11h50. Cabinet Anthony Associé, Marie-Dominique. Allô, mon petit cœur. C'est vrai que tu portes plainte contre mon école. Je comprends pas ce que tu dis, ma chérie. Tu comprends, et l'école, on tuera. Et je trouve pas ça juste. Attends, Mélina, j'entends pas bien tout ce que tu dis, là. Tu veux que je porte plainte contre ton école parce qu'il y a des pièges à rats qui tuent les rats et tu n'es pas d'accord? Oui, hier, on a tué deux rats. Il y en a une, c'était une maman rat qui attendait des bébés. Tout le monde était content, sauf moi. Et toi, tu aurais voulu la sauver? J'ai monté une pétition. Ah, tu as monté une pétition pour les rats? Avec ta maman? Nathalie? Ah, je suis bien d'accord avec vous, ça ne va pas du tout. Et les tournesols du bas, ils vibrent aussi? Non, ça va, ils sont bien plantés. Donc il y a un problème que dans la cour de récréation du haut, celle qui est sur le toit. Oui, mais c'est un gros problème. Je n'essaie pas du tout de minimiser, hein, comprenez-moi bien. C'est très grave ce qui se passe. Est-ce que c'est possible que les enfants ne sortent pas dans la cour de récréation du haut aujourd'hui? Oui, mais il faudra traverser la cour pour aller à la cour. Je fais venir une équipe tout de suite pour enlever les tournesols. Nos tournesols de 3 mètres de haut, on les a fait vérifier par un bureau d'études et il a validé chaque étape de la fabrication. C'était pas pour que ça s'écroule sur vos petits. Allez, on sécurise le tout et on convoque un expert. J'arrive tout de suite. Paul André. Vous me demandez quoi? J'aimerais que tu fasses une visite dans l'école de Fanette. Ça pue moisi dans la salle de repos. Je suis sûre qu'elle respire des trucs toxiques pendant la sieste et avec son asthme, ça la met en danger. Tu veux que je vienne visiter l'école de ta fille? C'est pas un peu bizarre? T'es architecte, tu sauras tout. Justement, je suis architecte, je suis pas expert en moisissures ou en champignons. Ma fille fait de l'asthme, c'est vrai, elle a pas dormi. Elle arrive plus à respirer. J'ai peur de la voir mourir, elle devient bleue. Ne pleure pas. Non, j'en peux plus, Paul André, y'a que toi qui peux demander de l'aide. Mais tu veux que je fasse quoi? Respecte le bâtiment, tu regardes les fissures, je suis sûr qu'il y a des grosses infiltrations. Ok. Vous avez demandé une expertise à la mairie? Non, ok, j'ai rien dit. J'y vais, je te rappelle. Hein? C'est avec ta maman que tu as écrit ta pétition pour les rats? Non, sans maman. Ah oui. Marie-Dominique. Sans maman, bien sûr, maman aussi, elle déteste les rats. Tout le monde déteste les rats et eux, ils n'ont rien fait, tu vois? Ma chérie, un rat... C'est un petit animal qui transporte des terribles maladies. C'est pas sa faute. Mais s'il se retrouve coincé dans une pièce avec des enfants et qu'il a peur, il peut mordre les enfants et ça peut être très grave. Tu comprends? Mais c'est pas leur faute. Mais je sais, mon ange, que c'est pas leur faute. Mais on peut pas laisser des rats se balader là où il y a des enfants. En plus, ça sert à rien. Des rats, il y en a trop. On peut même pas tous les tuer. Non, mais tu as raison. Mais il faudrait les empêcher de venir. Mais je vais chercher une solution, mon cœur. Tu me passes maman? Salut maman, pose ton manteau, Mélina, s'il te plaît. Salut ma chérie. Mais c'est quoi cette histoire? Ah écoute, j'en peux plus. Ils ont des pièges à cafards, des pièges à rats. Il y a la gale dans le dortoir des petits depuis quelques semaines. Plus le pigeon mort dans le faux plafond. Mais dis-moi, c'est l'arche de Noé, son école? L'arche de Noé de la famille Adams. Heureusement qu'il y a les réunions avec le collectif pour les écoles. J'ai l'impression de faire un peu quelque chose. Écoute, j'ai un contact à la mairie, je vais voir ce que je peux faire. Ah, tu dirais à Milena que je signe sa pétition, bien sûr. Hein. Nathalie? Allô Didier? Tu te souviens du chantier de cet été? La commande de tournesol préau? On est le 7 septembre, il faut déjà les enlever. Ça va te faire un bon bouquet d'emmerdes, ça. Attends, l'expert vient de carotter le ciment, il a constaté qu'il n'y avait pas de fer aux endroits notés sur le plan, il n'est pas en béton armé comme c'était prévu et il n'a pas la bonne densité. Le maçon, c'est Georges Taureau. Ouais, le gros Jojo, ouais. Celui qui pleure parce qu'il n'a pas assez de chantier. Alors, comme il avait des problèmes de trésorerie, il s'est dépêché de finir le chantier pour essayer d'être payé dès septembre. Et nous, quand on est arrivé, il avait déjà coulé la dalle du haut. Donc, nous, on a cru qu'il avait respecté les plans fournis. D'ailleurs, sur celle du bas, on a surveillé, il n'y a pas de problème. Hein. Et le maire, qu'est-ce qu'il dit? Ah, le maire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi, le maire? Il dit rien. Alors, son équipe, oui, a dit qu'une erreur peut arriver à tout le monde, c'est comme ça, que l'école aura une course en préau, voilà, c'est pas si grave que ça. Je suis déçue, Didier. Ah, je suis déçue. Tu imagines si c'était tombé sur la tête des minots? Paul André. Allô Sylvia, j'espère ne pas tomber sur ton répondeur. Je suis en train de faire le tour de l'école de ta fille. Elle est quasiment neuve, mais les gouttières ont été mal raccordées, ce qui a créé des infiltrations dans les murs, puis dans les faux plafonds dont certains menacent de s'effondrer. D'où les fissures et les moisissures. Je suis en train de prendre des photos, je te les enverrai. La directrice m'a expliqué que ça fait des mois, quasiment 2 ans, qu'elle appelle Allô Mairie École, mais qu'elle est baladée d'un service à l'autre. Une équipe est venue cet été mettre un coup de peinture sur la façade, ils ont laissé l'échafaudage, tout ça, évidemment, ne servant à rien. Elle m'a dit qu'il y avait un collectif de parents, dont tu faisais partie, qui se réunissait le mardi. On essaie de se voir à ce moment-là? Je t'embrasse. Tiens bon. Je t'embrasse. Jeudi 11 octobre, 15h40. Je compte. Journal de bord des enfants de l'école nationale. Un jour, mon ami a mis sa main dans les couverts et il y avait un ver de terre. C'était horrible. On n'a que 20 minutes de récré, on ne peut même pas jouer. À la cantine, dans l'assiette d'une fille, il y avait un cafard dans son steak. Dans la classe, il faisait très chaud au printemps. Les toilettes sont trop petites et pas de papier toilette. Dans ma classe, il y avait un lézard. Dans notre école, l'école nationale, elle est petite comme un trou de souris. Même si j'aime apprendre. Un jour à la cantine, mon ami Nouh avait trop mangé, alors il s'est transformé en glaçon. Quand il pleut, j'aime beaucoup sauter dans les flaques d'eau et jouer avec l'ami de Nouh, Bubule. Les chats se croient comme des humains. Dès que nous sortons de l'école, ils font leurs besoins et ça pue vraiment. À la cantine, j'ai aussi peur de tomber car il y a les fissures et les escaliers qui me font vraiment peur. Dans la cour, je voudrais des bancs pour s'asseoir. Plusieurs écoles ont ce problème de vivre dans des lieux désagréables avec des souris, des cafards. Nous avons beau faire des manifestations, nous avons beau parler à la mairie, mais hélas, rien ne va. L'enfant a le droit à la protection. Une fois, il y avait Superman, tellement il volait vite, il s'était cogné contre l'école. C'est pour ça qu'il y a plein de fissures. À l'école, en fait, le directeur, il a appelé la mairie pendant 4 ans. Et il y a un jour, il y a des journalistes qui sont venus à l'école, qui sont pour nous interviewer. Et le lendemain matin, la mairie finalement elle est venue. Elle a réparé l'école, mais pas fait grand-chose. Une fois, il y avait un incendie. On a pris l'extincteur, il nous a dit « Non, j'ai la flemme de faire mon travail ». Les cafards n'ont pas d'école, donc ils viennent dans notre école. Mais ils ont mercredi 17 octobre, 18h20. Une fois, il y avait une gomme, elle avait muté, elle a gommé le visage de tous les élèves. La cantine est trop petite, on ne peut pas manger tous ensemble, il y a 4 services. Salle de réunion à la Bourse du Travail, Elisa. Voilà, c'était un extrait du journal de bord des enfants de l'école nationale dans le 3e arrondissement, mais dans de nombreuses écoles publiques, c'est la même chose. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Elisa, je suis mère de 2 petites filles scolarisées à l'école François Moisson, et Béatrice est directrice d'école et représentante syndicale. Et je suis aussi parent d'élèves. Juste un mot pour vous rappeler que notre collectif, le collectif des écoles de Marseille, a lui aussi lancé ses cahiers de doléances pour recenser les problèmes. Plus de 100 écoles ont déjà répondu, sur 444, et la liste est longue. Infiltration et dégâts des eaux. École maternelle Edou, maternelle Saint-Vincent-de-Paul, élémentaire convalescent, élémentaire cadenas, élémentaire national. Bassines dans les salles de classe, flaques dans les couloirs ou les escaliers, école élémentaire Odo, élémentaire Olivier Gilibert, élémentaire Fraissinet, Château-Gombert-Athéna et Château-Gombert-Centre. Verrières qui explosent. Escaliers rendus dangereux, plusieurs enfants blessés par des chutes. École maternelle Révolution Vaillant, élémentaire Vincent Leblanc et Franklin Roosevelt. Je sais que 2 enfants se sont cassés le pied à cause d'une grosse fissure dans le revêtement de la cour de récréation. Présence d'insectes, d'animaux, de galles. Problème de chauffage. Salle non chauffée en hiver et étouffante en été. Vous avez vu Sylvia? École maternelle Canet-Jean-Vouret, élémentaire Félix Piat, élémentaire Saint-Just-Centre, et où 1, locaux trop petits, locaux provisoires, ça se fait que tu sois là. Depuis 25 ans. J'ai fait un gentil dans une école. Problème que vous connaissez tous et qui a poussé plusieurs parents à inscrire leurs enfants dans le privé. Le manque de tata pour surveiller les enfants sur le temps de la cantine. À droite, avec un adulte, il y a maître Marie-Dominique Anthony, l'avocate. 30 ans en maternelle et 60 en élémentaire. Qu'est-ce qu'elle fait là? Au plafond qui s'écroule dans le dortoir des petits. Sa fille a créé le comité. Un dimanche. Si elle est là, ça va chauffer. Plafond qui s'écroule dans une salle de classe pendant que les enfants sont en récréation. École mal passée. Incertitude quant à la sécurité des enfants de l'école du cours Julien, dont la cour de récréation se situe sur le toit d'un bâtiment appartenant Comment à la mairie. Comment on a pu en arriver là? Pardon? Comment on peut supporter tout ça, là? Moi, je suis Marseillais et j'aime ma ville. Et je trouve sans en rajouter que c'est la plus belle ville du monde. Et je supporte plus cette classe politique qui la traite comme une carcasse que Déguin voudrait. Vous avez raison. Nous non plus, on ne comprend pas comment et pourquoi ça se passe comme ça. En 2016, Libé titrait « La honte de la République ». La ministre Najat Vallaud-Belkacem se déplaçait. On nous promettait des grands changements, avec une réunion suivie par mois entre le préfet à l'égalité des chances, le rectorat et le maire. Et puis, rien. 5 millions ont été mis sur la table. Et les enfants ont continué à aller dans des salles de classe, où il pleut à l'intérieur, où ils gardent leur parka pour travailler, où ils tombent dans les escaliers, à cause des flaques de pluie qui abîment les marches. C'est parce qu'ils n'ont pas été dépensés, les millions. Ah ouais, ils sont où? Pardon? Godin, il vote l'attribution de tant de millions à l'école. Après, la ville instruit le dossier, mais le budget n'est jamais débloqué. Et ça, ça dure depuis des années. Bonjour. Excusez-moi d'arriver comme ça au milieu de la séance, mais j'ai une nouvelle alarmante. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Sylvia, je suis maman de deux enfants, une petite fille en maternelle et un garçon en primaire. J'étais alertée par le syndicat enseignant qui lui-même a été alerté par des élus de l'opposition. Au conseil municipal, la municipalité a décidé de faire passer la rénovation des écoles avec un PPP. C'est-à-dire un partenariat public-privé. Et ça va coûter 1 milliard d'euros pour 34 écoles. C'est-à-dire, la mairie va ordonner la destruction, reconstruction de 32 écoles et la construction de deux écoles neuves. Et pour ça, elle va rembourser 1 milliard d'euros pendant 25 ans à une entreprise privée. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ah bah non, non, non. Non, c'est pas du tout une bonne nouvelle, non. Vous réagissez comme si le privé, c'était forcément mauvais. Le vélodrome a été construit en PPP. Vous avez vu la gabegie? Non, mais si la ville n'a pas l'argent, il faut bien qu'elle en trouve quelque part. Ouais, mais qu'est-ce qui va rester pour les 410 autres écoles? Comment les 32 écoles concernées ont-elles été choisies? Pourquoi elles et pas d'autres? Il y a plus de 100 écoles qui nécessitent des travaux d'urgence. Attends, excusez-moi, mais quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire partenariat public-privé? Un partenariat public-privé, c'est un contrat entre une collectivité et une société privée, qui est en fait une simple structure juridique qui rassemble un investisseur financier, souvent un fonds de pension, un grand groupe du BTP pour la construction et un autre groupe chargé de la maintenance. Le plus souvent, la filiale du groupe BTP Construction. Donc, un financier, un constructeur et une filiale maintenance. Le plus souvent, lorsque la construction est finie, le fonds de pension rachète les parts du groupe BTP et le bâtiment devient de facto un produit financier. Ah voilà, donc vous voulez dire que nos écoles vont devenir des placements financiers en fait? Exactement comme c'est le stade Vélodrome, qui appartient en majorité aux actionnaires spécialisés dans la finance durable. Durable? Alors qu'ils font passer des rampes de lampes au-dessus de la pelouse pour la faire pousser. Durable, parce que les actionnaires sont sûrs de toucher l'argent pendant 25 ans. C'est durable quand on a une collectivité comme débiteur. Et comme pour le vélodrome dans ce PPP, la ville de Marseille cède aux entrepreneurs des terrains tout autour des écoles, dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans les limites de la loi, c'est cadeau. Comme pour le vélodrome. C'est écrit noir sur blanc. Ils peuvent construire à côté, au-dessus, en dessous des écoles. Mais on pourrait construire des piscines, des bibliothèques, des centres sportifs, des espaces verts. C'est ça. Compte sur Natexis pour construire des espaces verts et un centre de yoga. Bonjour tout le monde. Je suis Marie-Dominique Anthony, je suis avocate. Et je pense qu'il serait possible de poser un recours au tribunal administratif pour tenter de bloquer ce PPP. On peut bloquer un PPP? Bien sûr. Madame, c'est ça. Eh bien, c'est la pétition pour les écoles. Samedi 20 octobre, 10h45, Canebière, collectif Marseille contre les PPP. Salut Charles. Salut Paul-André. Sylvia est par là? Ah, Paul-André, tu sais très bien que Sylvia fait que ce qu'elle veut. Alors, vous en êtes où? On se caille depuis ce matin. J'ai les doigts tellement froids que j'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en glaçon. Encore un peu et je chante libérée, délivrée. Bon, on est à quasiment 8500 signatures. À 10 000, le maire est obligé d'inscrire le débat sur les PPP à l'ordre du jour au prochain conseil municipal. Ah, c'est pas loin. En revanche, le tribunal administratif, ça fait des mois qu'on attend leur réponse. Mais le problème, Marie-Dominique Anthony nous a prévenu, c'est que le tribunal administratif, ça peut être un enterrement de troisième classe. Ni vu ni connu, tu meurs doucement d'ennui, tandis que ton dossier rejoint celui de l'arche perdue d'Indiana Jones. Et vos ennuis avec les tournesols? Bof, j'ai appris que la mairie a attribué un autre chantier à l'entreprise du gros Jojo. Faut espérer qu'il travaille un peu mieux cette fois. Oh, c'est fini la papote, là. On a le pag, on fait signer. Oh. Il veut gagner 300 millions, jeune homme. 300 millions d'économies à faire sans le PPP. Monsieur, rejoignez le collectif Marseille contre les PPP. Tiens, Paul-André, prends un petit paquet de pétitions en attendant. Sylvia va sûrement passer tout à l'heure. Ah, tu me poignardes le cœur, là. En tout cas, bravo les architectes. Deux recours déposés, un par le syndicat, un par l'ordre, c'est bon, super. Bon, encore 1000 signatures et j'arrête et je rentre chez moi. Madame. C'est pas tout ça, mais la lessive, elle va pas se faire tout seul. Alors, notre collectif, des architectes, des artisans, des ingénieurs, des Lundi 5 novembre, 9h10, revue de presse. Le journal Bruno Duvic. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, deux immeubles s'effondrent en plein centre-ville de Marseille. Scène inouïe ce matin. Par contre, il y a un énorme nuage de fumée. Et surtout, honnêtement, j'ai vraiment presque cru un tremblement de terre. La façon et donc, pour l'instant, le bilan de l'effondrement de ces deux immeubles est seulement, si j'ose dire, de deux blessés légers. Deux immeubles s'effondrent à Marseille, un troisième en partie. L'un d'eux était vétuste et condamné. Oui, si c'est une scène de tremblement de terre, imaginez trois immeubles. Ils sont peut-être 10 disparus à Marseille dans les décombres de plusieurs immeubles vétustes du quartier de Noailles. Les recherches se sont poursuivies. Ça, c'est parce qu'il laisse mourir la ville exprès. Vous voyez pas, il laisse mourir le quartier exprès. Ils le savent très bien que tous ces immeubles, ils peuvent s'en. Marseille, encore retrouvée sous les décombres des immeubles de la rue d'Aubagne. Ça fait plus de 24 heures maintenant que ces images de gravats à Marseille tournent en boucle. Deux puis trois immeubles. Des secouristes qui cherchent encore et la colère des riverains au lendemain de l'effondrement de deux immeubles à Marseille. À la une de l'actualité ce matin, la mairie de Marseille montre. Un peu partout dans Marseille, les habitants ouvrent leurs portes pour montrer ce que d'habitude on cherche à cacher. Des appartements. Rue d'Aubagne, les recherches ont repris pour tenter de trouver une huitième personne toujours portée disparue. Le bilan est de 7 morts. Y a-t-il encore des corps sous les décombres à Marseille? Peut-être pas. Un huitième a été sorti cet après-midi, celui d'une femme, et les autorités étaient sans doute 8 personnes. De nouveaux. I love Marseille, at I love Marseille 1, 8 novembre 2018. Catastrophe de hashtag Noailles. Marie-Emmanuelle, 55 ans. Simona, 30 ans. Nias, 26 ans. Fabien, 54 ans. Julien, 30 ans. Taher, 58 ans. Et une septième victime non encore identifiée. Ces Marseillaises et ces Marseillais qui sont morts rue d'Aubagne, c'est nous. RIP. 10 novembre 2018. À Marseille, on se pince pour y croire. Sur le parcours de la marche blanche pour les victimes de la rue d'Aubagne, un balcon s'effondre. Bilan, 3 blessés légers. Mathieu Graplou, at Matt Graplou, 14 novembre 2018. Elle a mine à 9 ans. Il habitait au 65 rue d'Aubagne à Marseille. C'est l'un des immeubles qui se sont écroulés. Sa maman n'a pas survécu. Le 19 novembre, c'est son anniversaire et sa maîtresse aimerait qu'il rencontre at K. Mbappé pour lui réchauffer un peu le cœur. Faites tourner. À Marseille, l'école du cours Julien, voisine de la rue d'Aubagne, demande une expertise d'urgence. En cause, le bâtiment municipal sur lequel repose la cour. Photo parents d'élèves. Hashtag AFP Marseille, at AFP Marseille, 9 novembre 2018.

Machination, nouvel avatar de Marseille bashing, façon honteuse de faire de l'information ou de la politique. Les propos de Jean-Claude Gaudin étaient ce matin à la hauteur de sa colère et le maire de Marseille a d'abord tenu à rappeler qu'il ne se laisserait pas déstabiliser sur un sujet aussi sensible que celui de l'école, première préoccupation de l'équipe municipale. Et pour prouver sa bonne foi, faisant presque amende honorable, Jean-Claude Gaudin invite tous ceux qui le souhaiteraient à visiter les écoles marseillaises. Peut-être avons-nous commis des erreurs. En matière d'explication, de communication, je vous propose à tous, élus ou membres de la presse, d'effectuer des visites. Les visites que vous voudrez, dans les écoles que vous voudrez, quand vous voudrez. Nous monterons ensemble dans un minibus et vous irez voir exactement la réalité de ce que vous prétendez dépeindre dans certains articles. Et là, vous comprendrez. La municipalité n'entretient pas ou peu les locaux et l'éducation nationale, elle, ferme les yeux. Là, ce que le gros problème dans cette école, ce sont les infiltrations. Voilà. Donc régulièrement, dès qu'il y a des orages, l'école prend l'eau. Et elle prend tellement l'eau que les plaques de faux plafond s'imbibent, cassent et tombent. Et donc voilà, un peu de partout, surtout au-dessus des compteurs, par exemple, des disjoncteurs, ça c'est des plaques qui prennent l'eau et voilà. Et la Magali, c'est un couloir qu'on prend les enfants tous les jours. Oui, même l'autre escalier là-bas, donc il y a une hauteur de, je ne sais pas combien, 5 mètres au moins, 5-6 mètres, et j'ai des plaques qui sont en biais. Et qui menacent de tomber, voilà. De l'autre côté, il y en a déjà une qui est tombée. Et chaque fois que je fais venir, on me dit « Ah, c'est trop haut ». Mais moi, je n'ai pas rentré en ligne de compte sur la hauteur. À eux de trouver un système pour me la poser correctement et éviter de mettre en danger les enfants. C'est combien de temps que vous demandez que ce soit réparé là ? Depuis que je suis dans l'école. 8 ans. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, école marseillaise. Attention, travaux, premier épisode. Notre invité, Stéphanie Rougnan. Correspondante des journaux Libération à Marseille, le journal Libération, notre partenaire pour cette fiction. Bonjour Stéphanie Rougnan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à Libération, notre journal partenaire pour ce premier épisode d'Affaires Sensibles. Et Libé, votre journal vient de créer une newsletter hebdomadaire sur Marseille, une newsletter que vous dirigez. Je voudrais qu'on en dise un mot avant d'aller dans le sujet qui nous intéresse. D'ailleurs, je crois que le sujet qui nous intéresse fait partie de ce que vous traitez, des sujets que vous traitez, enfin j'imagine. Oui, évidemment, c'est l'un des sujets récurrents que l'on retrouvera, que les lecteurs retrouveront dans la newsletter, qui donc est une newsletter hebdomadaire qui est envoyée chaque jeudi aux abonnés de Libé. Donc l'idée de cette newsletter, c'est d'intensifier notre regard sur la ville. Ça fait, comme dans d'autres grandes villes de France, Libération a des correspondants, il y a un correspondant à Marseille. Mais l'idée de cette newsletter, c'est après ce qui s'est passé le 5 novembre 2018, donc 8 personnes sont mortes dans l'effondrement de 2 immeubles, c'est d'accompagner les bouleversements qui ont suivi cet événement dramatique. La ville est en pleine restructuration, il y a beaucoup de collectifs qui aujourd'hui réagissent, il y a une réaction citoyenne très forte et c'est pour accompagner, pour regarder évoluer cette réaction citoyenne jusqu'aux élections municipales de mars 2020 que donc le journal a eu l'idée de créer cette newsletter. Mmh. Alors, qui donc a été lancé fin mars. D'accord, très bien. Venons-en maintenant à l'historique de cette crise due au délabrement et à l'insalubrité de plusieurs immeubles, comme ceux de la rue d'Aubagne, et de ces écoles, j'y viens, les écoles dans la ville de Marseille. Alors évidemment, les politiques, les élus, les architectes ou les entreprises de construction se renvoient à la responsabilité, hein, c'est pas moi, c'est eux. D'ailleurs, on a entendu une archive tout à l'heure où Jean-Claude Gaudin, le maire, dit « Mais venez donc avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir ». Bon, c'est une méthode qu'on connaît. En 2016, le ministère de l'Éducation nationale demandait à ses services un état des lieux, mais rien ne semble avancer, ni du côté de l'État, ni du côté de la mairie de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même ici question de sécurité et de risques graves. Tout à fait. Alors, il faut distinguer la problématique des écoles de celle du logement plus globalement, puisque sur les écoles, en tout cas, la mairie, la municipalité est compétente en matière de justement d'entretien des bâtiments. Donc, c'est justement d'ailleurs toute une ça donnait lieu à toute une série de passes d'armes entre Marseille, enfin le maire de Marseille et les différents ministres de l'éducation qui ont tenté de se pencher sur le problème. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les écoles, c'est la ville de Marseille qui est seul responsable de la situation, sachant que pour le logement, justement, comme vous le disiez, tout le monde se renvoie la balle, l'État, les propriétaires, les bailleurs, etc. Donc c'est un petit peu différent sur la question des écoles. Enfin, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, ne se sent pas responsable. Je rappelle qu'il y a eu quand même un accident grave, et puis il y a des accidents potentiels. Et le ton qu'il emploie dans l'archive qu'on entend est assez choquant de ce point de vue-là. Alors sur les écoles, c'est la réaction, enfin la médiatisation de la lettre donc de cette enseignante Charlotte Magri qui dénonçait les conditions dans lesquelles elle enseignait dans une école des quartiers nord. Sa réaction a été particulièrement virulente et donc lors de ce conseil municipal, il a justement invité à la sortie du conseil municipal tous les journalistes à embarquer dans un bus pour justement aller voir, comme il le dit, l'état des écoles que lui ne juge pas mauvais. Et ça, d'ailleurs, cette visite a tourné au fiasco puisque concrètement, quand les journalistes sont arrivés dans les écoles, les parents d'élèves étaient là et leur ont montré précisément les problèmes. D'abord, ils n'avaient pas forcément besoin de guide, hein, ça se voyait d'emblée. Donc il y a une forme de déni de la part de la municipalité et qui répond toujours en tout cas avec une grande virulence. En général, c'est souvent du Marseille bashing, c'est les journalistes parisiens qui portent un regard biaisé sur la ville. C'est souvent comme ça en fait que la mairie évacue ses critiques. Dans l'effondrement de la rue d'Aubagne, certains élus étaient propriétaires et donc marchands de sommeil, enfin l'accusation a plané. Il y a eu des plaintes, des poursuites contre eux ou pas? Alors l'enquête sur l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne est en cours. Il y a effectivement un élu, en l'occurrence un élu républicain de la région, qui était propriétaire d'un des appartements habités du 65 rue d'Aubagne. Donc pour l'instant l'enquête est en cours, on en est encore au stade justement des expertises pour déterminer déjà lequel des bâtiments entraînait l'autre et donc quelles étaient les raisons pour lesquelles les bâtiments se sont effondrés. Donc ça n'est qu'après que éventuellement la justice pourra se pencher sur la responsabilité des propriétaires. On n'en est vraiment pas encore là, mais effectivement il y a plusieurs élus, 4 en l'occurrence, qui, pas spécifiquement rue d'Aubagne, mais suite à ce drame-là, ont été épinglés comme ayant des logements, en tout cas, a priori fortement insalubres, ou du moins étant impliqués dans ce qui pourrait, à l'avenir, donner lieu peut-être à des procédures judiciaires, mais pour l'instant, aucune procédure n'est lancée. Alors c'est peut-être ce qui explique que Jean-Claude Gaudin rejette ça d'une sorte de revers de la main, comme ça, peut-être, hein, peut-être. En revanche, là on va pas être dans le peut-être, mais dans la certitude, c'est-à-dire dans les faits et les données chiffrées. Donc je lis ces chiffres, et vous allez me dire d'abord s'ils sont vrais. Dans cette ville de 860 000 habitants, que compte Marseille en ce moment, avec 12 000 employés municipaux, sur 12 000, seuls 5 salariés s'occuperaient à plein temps de la question du logement insalubre. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est sur c'est le service d'hygiène, c'est-à-dire que sur la voilà, donc alors ça c'est des chiffres aussi que la mairie conteste. Elle dit non, oui effectivement sur le papier on peut imaginer que c'est 5, mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont en charge de ces questions-là. C'est effectivement une des difficultés sur la question de l'hygiène en fait. La mairie est censée remonter les informations en fait à la préfecture qui ensuite elle peut éventuellement émettre des arrêtés en matière d'insalubrité, ce qui est pas le cas pour les arrêtés de péril qui eux sont pris par le maire. Et justement à plusieurs reprises a été pointé notamment par l'ARS suite à la rue d'Aubagne, l'agence régionale de santé, remontée de ces voilà tout à fait le peu de remontée justement des services municipaux vers la préfecture pour justement lui permettre d'activer les arrêtés d'insalubrité. Mais comme pour d'autres sujets, la mairie dit que c'est une façon biaisée de regarder Regarder Marseille. Et de regarder Marseille, mais ça c'est un argument qui a ses limites, parce qu'à force de le dire, tous les Français, tous les Parisiens notamment, ne regardent pas Marseille d'un œil méprisant ou torve. Enfin, il faut sortir. Oh, surtout pas. Et alors oui, pourquoi les politiques ne sortent pas de cette logique, cet argument qui est faible? Alors c'est pas forcément tous les politiques. Hein. En tout cas, c'est vraiment une des. D'ailleurs, le maire l'a récemment encore utilisé cet argument-là, toujours sur la question des écoles. Mais alors épisode 365 sur la question d'une éventuelle rénovation de 32 écoles via ce qu'ils appellent des partenariats publics-privés. Mmh. Et donc là encore, si les projets n'aboutissent pas, c'est parce que donc c'est le Marseille bashing, c'est en général la gauche qui instrumentalise les médias. C'était déjà le cas pour les écoles à l'époque. Hein. Libération était instrumentalisée par le ministère de l'Éducation à l'époque socialiste. C'est la réplique, en tout cas récurrente, du maire pour justifier toute critique en fait à l'égard de sa politique. Stéphanie Arougnan, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de ce sujet préoccupant. À tout de suite. À l'encre bleue d'un vieux stylo au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuages, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vent et d'odeur du rivage. À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y peux rien, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener au pays des collègues. À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot. Stéphanie Arougnan, on se retrouve pour parler de ces problèmes à Marseille de construction dangereuse. Alors, il y a les logements d'un côté, il y a l'école de l'autre. C'est pas tout à fait les mêmes responsabilités. On a parlé un peu des deux tout à l'heure. Et on va dégrouper maintenant. Et on va s'intéresser à l'école. De quoi parle-t-on? Quelle est la proportion des écoles à Marseille sur l'ensemble des écoles dont la municipalité a la responsabilité qui pose problème? Est-ce que c'est un phénomène marginal ou moyen? Ou est-ce que vraiment une majorité d'écoles sont concernées? Alors, marginal, c'est ce que dit le maire. Alors après, il y a différentes problématiques. Les questions de bâti, à proprement parler, c'est-à-dire les façades délabrées, le préau dont il était question dans l'extrait sonore que vous avez passé. Ça concerne quand même principalement les écoles du nord de la ville, même si des écoles de tous les quartiers, notamment du centre-ville, sont également concernées. Et tout dépend en fait de l'entretien et de la mobilisation surtout des parents d'élèves pour sensibiliser la mairie à la situation de leur école. Donc dans certaines écoles, si les parents sont très mobilisés, ça va un petit peu mieux, ou en tout cas ils ont réussi à limiter les dégâts. Dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, dans d'autres écoles, c'est pas forcément des problématiques de bâti, mais c'est la désorganisation des services, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est cassé, ben c'est pas réparé tout de suite, donc il faut attendre très longtemps, passer des tas de coups de fil et rien ne se passe. C'est aussi des problèmes de taille de cantine, par exemple, où dans certaines écoles marseillaises, on est obligé de faire 4 services de cantine pour arriver à faire manger tous les enfants, donc ce qui pose des problèmes d'horaire, pas possible. Des problèmes de locaux aussi, on utilise toutes les classes pour faire, toutes les classes bibliothèques, informatiques, etc. sont prises pour faire des salles de classe parce qu'on n'a pas forcément accompagné les évolutions démographiques de certains quartiers de construction d'écoles. Donc c'est vraiment des problématiques très différentes qui du coup touchent quand même un certain nombre d'écoles marseillaises, même si le maire lui dit que justement ça ne concerne qu'une toute petite partie. Est-ce que ça va jusqu'à toucher, alors vous m'avez dit que ça a touché aussi certaines écoles du centre-ville, mais le centre-ville de Marseille n'est pas constitué que de quartiers riches. Non, pas du tout. Mais justement, j'y viens, il y a des quartiers riches à Marseille. Est-ce que les écoles publiques, on parle d'écoles publiques, sont touchées également par le phénomène? Alors oui, d'une certaine façon, comme je vous le disais, sur des questions de locaux notamment, c'est des quartiers où il y a eu de fortes poussées démographiques, et c'est pas forcément accompagné justement d'une école à échelle de cette poussée. Donc c'est on pousse les murs pour essayer de d'accueillir tous les élèves. Alors le maire dit parfois que justement, mais là ça concerne les écoles REP plus, donc les dédoublements des classes a encore aggravé le problème, mais là les quartiers sud de Marseille ne sont pas concernés. Et c'est souvent des questions de locaux et puis de vétusté. Même si le bâtiment ne tombe pas en ruine, les écoles de Marseille sont... Alors, le maire en a construit 27, il le rappelle à de nombreuses occasions depuis qu'il a été élu. Mais l'ensemble du parc scolaire est quand même assez vétuste. Vous avez signé d'ailleurs un article intitulé « Les écoles Marseille entre taudis et audites ». Expliquez-nous. On a compris pour ce qui concerne les taudis sur audites. Mais alors les audits, il y en a. Alors c'est depuis celui de lancé par Najat Vallaud-Belkacem à l'époque justement où la polémique a éclaté en 2016. Donc elle a lancé elle-même un premier audit, et puis Jean-Michel Blanquer lui a lancé en mars dernier le sien, qui par ailleurs fait l'objet d'un amendement. Qui d'ailleurs est contesté par la municipalité de Marseille, qui dit que le gouvernement et en tout cas l'Assemblée nationale n'a pas à intervenir dans les affaires des écoles marseillaises parce que c'est une compétence municipale. Mmh. Et donc face à cette pluie d'audits ministériels, la municipalité a décidé début avril de lancer son propre audit. Pour justement faire taire les mauvaises langues et montrer qu'il n'y a pas de problème particulier dans les écoles marseillaises. Donc c'est une façon de répondre aux deux audits, surtout à l'audit de le dernier audit en date, celui de Jean-Michel Blanquer. Donc la mairie lance son propre audit, quand même qui va coûter 6 millions d'euros, donc ce qui n'est pas rien, et qui d'ailleurs propose à l'État d'en financer 50%, puisque comme le dit d'ailleurs le maire, puisqu'il s'intéresse aux écoles marseillaises, puisqu'il n'a qu'à financer cet audit-là. Oui, mais enfin, quand des parents, comme vous me dites, vont dans les écoles inspecter et voient l'œil nu des problèmes, à quoi ça sert de dépenser cet argent pour faire un audit? C'est vraiment une réponse. Mais... On a l'impression que la réponse, elle est juste politique, quoi, pour s'en sortir. Sur l'audit de la mairie, c'est vrai qu'on peut se demander, dans la mesure où déjà il y a cet audit ministériel qui est lancé. Alors après, on peut contester justement, c'est ce que dit le maire. Le ministère demande au directeur d'école de lui faire des remontées sur les difficultés justement qu'il rencontre au quotidien. Ce à quoi la mairie répond, les directeurs d'école ne sont pas forcément compétents pour évaluer un système électrique, etc. Donc d'où leur audit à eux qui se veut un diagnostic technique fiable. Mais effectivement, au vu des au, au vu des difficultés constatées par les journalistes, par les remontées surtout des nombreux collectifs qui se sont créés aujourd'hui, vous parliez du collectif des écoles du 3e, mais il y a beaucoup d'associations très actives, et notamment le collectif anti-PPP qui lui agit sur un volet particulier, mais où là encore il y a beaucoup de remontées d'informations. Effectivement, en tout cas, ça pourrait simplement, ces remontées-là pourraient générer une réaction de la part de la municipalité, mais on a vraiment l'impression qu'en fait la ville est agacée par ces critiques récurrentes et veut, par cet acte fort-là, les faire taire. Bon, alors je sais pas si... C'est pas très évident, mais... Oui. La ville est agacée, je ne sais pas si les Marseillais le sont aussi, apparemment ils le sont sur sur ce point-là, et ils vont s'exprimer, les Marseillais, comme tous les Français, dans leur ville, pour les municipales de 2020. C'est parti, la campagne à Marseille, ou comment se prépare la pré-campagne? Ah oui, elle est depuis le 5 novembre et donc l'effondrement des deux immeubles, là, ça a clairement accéléré l'entrée en campagne de presque tout l'échiquier politique. Surtout que l'élection municipale à venir à Marseille est particulièrement ouverte, puisque Jean-Claude Gaudin a annoncé il y a déjà un moment qu'il ne se représenterait pas. Donc ce sera son dernier mandat, et donc ça ouvre en fait un champ des possibles assez large, à la fois dans son camp où les rivalités commencent déjà à se manifester, et puis pour la gauche aussi, qui se dit qu'elle a une chance historique de récupérer la mairie, hein, puisque le Gaston Defer, le socialiste, a été maire très longtemps de la ville. Donc là, le jeu est très ouvert et on commence déjà chez nous à avoir un certain nombre de petites passes d'armes entre les différents candidats, pas tous déclarés, beaucoup attendent un peu de voir les élections européennes notamment, mais pas seulement, les alliances entre les uns et les autres sont en train de se décider, mais c'est bien lancé, oui, chez nous. Voilà, bah espérons pour les familles marseillaises, les parents d'élèves, oui, que ce dossier de l'état des écoles sera l'un des éléments débattus dans cette campagne. Merci infiniment, en tout cas, Stéphanie Arougnan, correspondante de Libération à Marseille, le journal Libération, notre partenaire pour cette fiction. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, École marseillaise, attention travaux. Une fiction écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Frédéric Milano. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves Derolin.